Exercice 7, page 44. A. Il me sourit. Il m'a souri. B. Il te choisit. Il t'a choisi. C. Il le salit. Il l'a sali. D. Elle me nourrit. Elle m'a nourri. E. Elle te punit. Elle t'a puni. F. Elle le séduit. Elle l'a séduit.